aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un féminicide, l'assassinat de la jeune Shaina Enzi. Elle a 15 ans quand elle est poignardée et brûlée dans un petit cabanon lugubre d'une cité de Creil, dans l'Oise, le 25 octobre 2019. L'affaire n'est pas encore jugée au moment où on parle, mais un jeune homme est suspecté du meurtre. Il a 17 ans au moment des faits. Il est le petit ami de la victime, placé en détention provisoire, en attendant d'être certainement renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Sur le coup, le meurtre de la jeune Shaina n'a pas ému au-delà de la ville de Creil. Et si nous en parlons aujourd'hui, c'est que ce fait divers a pris la dimension d'un fait de société, après une enquête de la journaliste Lorraine de Fouché pour Le Monde en septembre dernier. Enquête qui révèle l'horreur que Shaina a subie, pas seulement le soir de sa mort, mais tout au long de son adolescence, car elle n'est pas simplement la victime de l'homme qui l'a tuée, elle est celle du monde dans lequel elle vivait. Une cité étouffante qui méprise ses femmes, qui cache ses désirs dans ses recoins les plus glauques. Un petit monde clos qui a fait croire à certains hommes qu'ils avaient tous les droits sur le corps de cette jeune femme, y compris le droit de la tuer. Notre invité aujourd'hui, Maître Negar Haïri, l'avocate de la famille de Shaina Enzi. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le samedi 23 novembre 2019, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes marchent partout en France à l'appel du collectif féministe Hashtag Nous Toutes. Le gouvernement a été pressé par les associations de prendre des mesures contre les violences faites aux femmes. Et le Grenelle contre les violences conjugales qu'il a convoqué est sur le point de se conclure. À Bordeaux, Grenoble, Saint-Étienne, Rennes, Perpignan, Lille, Paris, Montpellier, les manifestations font entendre leur colère et leur impatience. En 2019, plus de 180 000 femmes ont été victimes de crimes ou de délits sexistes. Le 23 novembre, le collectif Féminicide par compagnon ou ex en recense 137. Autant de femmes tuées parce qu'elles étaient des femmes. Le collectif s'est mis d'accord sur les slogans. Et dans toute la France, les manifestantes et les manifestants brandissent les mêmes pancartes. Pas une de plus, ras le viol, stop féminicide. D'autres affichent en lettres noires sur fond blanc des prénoms et des âges. Céline, 33 ans. Dalila, 50 ans. Madame X, 86 ans. Nathalie, 53 ans. Ophélie, 28 ans, 82e, Samantha, 43 ans, 77e, Janice, 30 ans, 109e, Yaroslava, 44 ans, 47e. Il y a aussi Angrol, Marie-Claire, Nouma, Salomé, Sarah, Babette, Patricia Gracieuse, Chloé, Justine et d'autres qui sont mortes anonymement. Eh bien, ce sont chacune des 137 femmes victimes de féminicides depuis le 1er janvier. Sandra, 25 ans. Sandra, 25 ans. Sylvie, 56 ans. Shaina, 15 ans. Shaina, 15 ans, 125e. Parmi les victimes décomptées de cette année 2019, elle est la plus jeune. Elle est morte quelques semaines avant ces manifestations, dans la ville de Creil, dans l'Oise, au nord de Paris, un soir d'octobre 2019. Tout a pris feu très très très vite. J'ai compris qu'il y avait un produit inflammable, forcément. Et en fait, j'ai appelé les pompiers, il était 22h11. Et en fait, j'ai vu quelqu'un courir, s'enfuir en courant. Creil, vendredi 25 octobre 2019, 22h passées. Sur les hauteurs de la ville, dans un endroit qu'on appelle le plateau Rouet, quelque chose brûle. Les flammes sont hautes de plusieurs mètres et éclairent brutalement dans la nuit un petit jardin triste dont personne ne semble s'être occupé depuis longtemps. Il est séparé des deux autres jardins à sa gauche et à sa droite par un vieux grillage métallique soutenu par des poteaux gris en béton. Et il est mangé par les mauvaises herbes qui ont tout envahi, sauf un sillon qui traverse cette petite parcelle. C'est une bande de terre et d'herbe. sèche qui conduit à l'entrée de ce qui est en train de brûler. Un cabanon de 2 mètres de haut, dont le toit et les 4 murs sont constitués de plaques de tôle rouillée. Derrière ce cabanon, il y a un muret en pierre. De l'autre côté, le feu jette une lumière agressive sur les tombes du cimetière de Creil. Puis s'ajoute à sa lueur celle de 2 gyrophares. La police et les pompiers arrivent. Ils prennent la rue qui conduit au petit jardin. Les lumières rouges et bleues éclairent un peu plus la scène de crime. D'un côté de cette rue, il y a une 50aine de parcelles. Ce sont les jardins que partagent les locataires des immeubles qui sont de l'autre côté de la voie. Une barre de 200 mètres de long et de 3 étages de haut, aux fenêtres de laquelle, dans la lueur des gyrophares, les habitants regardent le triste spectacle. Les pompiers éteignent le feu sans difficulté. Ils repartent avec 2 policiers qui les accompagnaient. Et le petit jardin de la rue de la Champrelle disparaît à nouveau dans l'obscurité. De façon tout à fait incompréhensible, les pompiers et les policiers sont partis sans s'être rendus compte de ce qui se trouvait dans ce cabanon, parmi des vieilles canettes calcinées et le squelette en fer d'un canapé, un corps qui venait lui aussi d'être brûlé. Mais une voisine a vu quelque chose. Quand le feu a commencé, de sa fenêtre, elle a vu un homme sortir du jardin. Il était jeune, il portait un sweatshirt gris avec des épaulettes noires, un jogging, des baskets blanches et une capuche qui l'a empêché de voir son visage. Il courait et elle l'a perdu de vue quand il est passé par la petite arche qui traverse la barre d'immeuble en direction du sud. C'est dans ce cabanon brûlé que 2 jours après l'incendie, 2 jeunes découvrent un corps. Une patrouille de police arrive sur place et constate la présence dans les débris calcinés d'un tronc ainsi qu'un crâne humain face contre sol. France 3 Picardie raconte le 28 octobre 2019. Le corps d'une jeune femme a donc été retrouvé en partie brûlé hier à Creil. Ce sont des enfants du quartier du Rouer qui ont fait la macabre découverte. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. On retrouve tout de suite sur place Aaron Tanzit. Bonsoir Aaron, que sait-on de cette affaire ce soir? Ce soir, on en sait un peu plus. On se pose tous la question, que s'est-il passé précisément ce week-end dans le quartier Rouer à Creil? Hier après-midi, le corps d'une jeune femme partiellement brûlé a été découvert dans les jardins familiaux, à proximité de la rue Champrelle, face à des habitations, dans les décombres de ce cabanon calciné. En attendant, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Les premières constatations indiquent qu'il s'agit d'une mort violente, avec 2 coups de couteau dans l'abdomen et dans la région du foie. On avait pourtant prévenu qu'il se passait de drôles de choses dans ces cabanons d'une voisine. Depuis le temps qu'on disait qu'il allait arriver un malheur. Dans ce réduit, des jeunes avaient installé un canapé et la banquette arrière d'une voiture. À en juger par les détritus qui jonchent le sol, des fioles de vodka, des emballages de jus de fruits, des canettes vides et des mégots, l'endroit servait de refuge à leur soirée. Pourtant affreusement lugubre, le site était aussi un lieu de rendez-vous pour les jeunes couples de la cité qui n'ont nulle part ailleurs pour être seuls. Nous sommes dans ce quartier du sud-ouest de Creil, qui s'appelle le plateau Rouer. Là, au-dessus de l'Oise et du centre-ville, 12 000 personnes vivent dans des barres d'immeubles, des tours et des pavillons. Des logements construits à la hâte depuis des décennies, au fur et à mesure des arrivées de population, comme le décrit ce reportage d'Antenne 2 en 1985. Creil, le plateau Rouer. Quelques 10 000 habitants logés dans d'immenses barres en béton surplombant le centre-ville. Attention, plateau Rouer. Îlot sensible. Première vague de construction de la Libération jusqu'à la fin des années 50. Sur le plateau créois commencent à s'ériger des HLM, des immeubles de taille moyenne, mais aussi 2 blocs de tours de 11 étages. Bâtir vite et pour pas cher semble être la devise des promoteurs de l'époque. Deuxième vague, début des années 60. Situation d'urgence. Il faut recevoir les pieds noirs de retour d'Algérie qui s'installent sur la région parisienne. Les promoteurs n'ont guère pensé à l'avenir et 15 ans après, le quartier est en complète dégradation. Tu m'as vu cette nuit dans la rue? Non, pour aller en tout cas, tu me parles. Mais vas-y, arrache-toi, t'es encore là, vas-y, qu'est-ce que tu fous? C'est lui qui dort, moi je dors les pas, chaque fois je me fais engueuler, t'as Le plateau Rouer, c'est du béton et des friches. C'est la cité d'une ville sinistrée, Creil, qui n'a pas toujours été morose d'ailleurs. Elle a même eu son âge d'or d'après-guerre, quand trois usines la faisaient vivre. Creil, c'était un modèle de ville socialiste. Une ville-usine spécialisée dans la sidérurgie, d'où sortaient, entre autres, les voitures Renault et Peugeot. Et puisqu'il fallait attirer et loger les travailleurs, la cité s'est agrandie. Sur les hauteurs, on poussait des logements. Et en l'espace de 15 ans, de 1955 à 1970, le nombre d'habitants a été multiplié par 3. Puis c'est le drame économique et social qu'on connaît par cœur. Les usines qui ferment les unes après les autres. La dernière en 96, laissant sur le carreau les ouvriers et leurs familles. Creil plonge dans le chômage. Et terminus du RERD, la ville se spécialise malgré elle dans l'accueil des plus pauvres, rejetés toujours plus loin de Paris. Parmi ces populations, déjà très en difficulté, le plateau loge les plus défavorisés, comme pour beaucoup des familles d'immigrés récemment arrivées en France, et les parque là, dans le béton, sans perspective. Alors là-haut, sur le plateau, dans ce quartier isolé de cette ville abîmée, la criminalité se développe jusqu'à devenir très inquiétante. Les plans d'urbanisme se succèdent pour désenclaver le quartier, pour remplacer les logements construits à la va-vite. Les tours et les bars sont détruites les unes après les autres, créant dans le quartier des grands espaces en friche qui s'ajoutent aux terrains vagues et aux bâtiments désaffectés que les usines avaient déjà laissés derrière elles. C'est dans le paysage de cet urbanisme erratique qu'est découvert le corps dans ce petit cabanon brûlé le dimanche 27 octobre 2019. Et immédiatement, sur le plateau, une rumeur se met à courir. Le corps serait celui de Shaina, une jeune de 15 ans dont les voisins entendent parler depuis quelques années, qui, à ce que disent certains, est une fille facile, pas fréquentable, et qui, on le dit aussi, était enceinte. C'est que, le soir de l'incendie, trois disparitions de mineurs sont signalées au commissariat de Creil. Et trois jours plus tard, seule l'une d'entre elles, Shaina Hanzi, n'est toujours pas rentrée. Elle est partie de chez elle le vendredi soir, et depuis trois jours, elle ne répond pas aux appels de ses parents, ce qui n'est pas dans ses habitudes et qui provoque de grosses inquiétudes. Crainte prémonitoire, deux jours plus tard, les résultats de l'analyse ADN confirment ce que l'on craignait, comme l'explique France 3 Picardie le 30 octobre. Le doute n'est plus permis. Le corps calciné, poignardé, retrouvé à Creil dans les jardins familiaux, et bien celui de la jeune fille disparue. Des proches de l'adolescente inquiets avaient lancé un appel ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Shaina, une jeune fille de 15 ans, avait disparu depuis vendredi soir. Hier soir, le parquet de Senlis, après le résultat des analyses ADN, a confirmé que le corps retrouvé dans le cabanon incendié vendredi soir était bien celui de la jeune disparue. Ce soir-là, l'adolescente, injoignable sur son téléphone portable, était sorti au début de la nuit. Des investigations policières se poursuivent activement dans Creil. Au moment d'ouvrir l'enquête pour meurtre, la substitut du procureur de Senlis cherche si le nom de Shaina Hanzi apparaît dans ses dossiers. Et elle le voit, deux fois, en tant que victime. La première pour un viol, deux ans plus tôt, la seconde pour des violences qui datent de mai 2019. Deux affaires qui, déjà, dessinent les contours de l'engrenage qui a conduit cette jeune femme à la mort. Tell me what to do. France Inter, Affaires sensibles. Mis à part un peu de maquillage et quelques bijoux, la chambre de Chaïna est celle d'une enfant. Au-dessus de son bureau, il y a un grand autocollant Hello Kitty. Et sur le dossier de son fauteuil, il y en a un autre de la princesse de la Belle et la Bête. Chaïna est née en 2004. Ses parents sont originaires de l'île Maurice et sont arrivés en France au début des années 2000. Elle vit avec eux et avec son frère aîné, Yacine, dans un pavillon sur le plateau. Elle est encore en seconde au lycée Cassini à Clermont, une localité à 20 km au nord de Creil. Son frère, Yacine, la décrit comme une jeune fille heureuse. Chaïna, elle est toujours restée la même. Malgré qu'après, il y a eu toutes ces histoires-là, elle a toujours su être forte et garder la tête haute. Alors Chaïna, c'est une fille un peu comme un peu tous les jeunes adolescentes qui aiment croquer la vie à pleines dents. Elle était toujours souriante, aimable, très sociable. Elle avait déjà des petits rêves. Elle voulait devenir avocate. Elle voyait un peu plus loin, elle me parlait de son permis de conduire. Après, dans la vie de tous les jours, elle rigolait beaucoup. Chaïna, c'était une fille facile à vivre. Elle était toujours heureuse et épanouie avant les problèmes. Les problèmes, les voici. Elle est en cinquième, 2 ans et demi plus tôt, quand un élève l'approche à la sortie du collège. Chaïna est déjà séduisante et charmée par ce garçon. Elle lui donne son snap, comme on dit, ou comme ils disent. Elle l'ajoute à ses contacts sur Snapchat, une application sur laquelle on parle et on s'envoie des photos. Et de cette rencontre naît une relation. Mais ce jeune homme se révèle extrêmement malveillant. Il la frappe, il la force à se déshabiller, il la prend en photo nue, sans son accord. Et il la menace de faire circuler les clichés si elle ne couche pas avec lui. Ce que Chaïna refuse, refuse et refuse encore. Alors il lui tend un piège. Nous sommes en août 2017, c'est la fin des vacances. Chaïna s'apprête à rentrer en quatrième. Son petit copain lui donne rendez-vous à la cité des Cavés, à côté du plateau, dans un endroit que les jeunes connaissent bien. Rue Vincent Royol, il y a un vieux bâtiment désaffecté qui ressemble à un décor de film d'horreur. Il est assez grand, plus vieux que les bars d'à côté, avec une petite chapelle au sous-sol. C'est l'ancienne clinique de Creil, abandonnée depuis plusieurs années. Les fenêtres ont toutes été brisées, on y entre comme on veut. À l'intérieur, chaque placard, chaque étagère, chaque bureau a été méticuleusement détruit. Les conduits d'aération pendent du plafond, le sol est couvert de déchets, les murs sont tagués, les portes dégondées. Eh bien c'est là, dans cet endroit ignoble, entre l'ancien bloc opératoire et les chambres de chirurgie ambulatoire, sur des matelas pourris et le dos contre des radiateurs rouillés, que les ados se retrouvent pour faire ce qu'ils ont honte de faire dans la cité. Et c'est là que Chaïna a rendez-vous. Elle s'y rend avec une amie. Une fois à l'intérieur, elle retrouve le garçon, qui l'emmène dans un recoin où l'attendent deux de ses copains. Chaïna est surprise de leur présence. Et à trois, alors que la copine Chaïna l'attend dehors, il commence à la déshabiller. La jeune fille proteste, se débat, eux la forcent, le téléphone à la main. Avec les vidéos qu'on a de toi, lui dit le garçon, fais ce qu'on veut. La scène est épouvantable. On la découvre péniblement dans la plainte que Chaïna dépose quelques jours plus tard. Les garçons l'insultent, lui demandent des fellations et la pénètrent avec un tube de la Bello pour, disent-ils, vérifier sa virginité. Puis le garçon exige un rapport sexuel auquel Chaïna échappe en réussissant à s'enfuir. Quand elle retrouve sa copine, elle est en soutien-gorge, elle a des griffures sur le corps et elle est en larmes. À peine sortie de la clinique désaffectée, elle croise des garçons dans la rue qui l'alpaguent en lui riant et qui lui lancent « Hé, c'est toi la pute qui s'est fait baiser !» Chaïna passe d'un calvaire à un autre. Des vidéos du viol ont déjà été diffusées et elles se propagent sur Snapchat. Son frère se souvient. Alors, c'est depuis la première affaire de 2017, quand elle a subi cette agression-là. la réputation a été construite sur le plateau Rouet. Shaina était voilà la, j'ose même pas dire le nom. Tu dois savoir de quoi je parle, que c'était la fille facile du quartier, car il y avait des vidéos qui a été diffusées à son insu sur les réseaux sociaux. Shaina porte plainte. La copine qui l'accompagnait est entendue elle aussi avec sa mère. C'est un garçon pas bien, dit-elle à la police. Il prend ma fille pour une chienne. Shaina m'a dit qu'il s'en foutait d'elle. Il voulait juste la baiser. Et la mère ajoute, mais Shaina est une gamine effrontée. On la surnomme l'allumeuse. Elle a la réputation de bien aimer les garçons. Sur le plateau Rouet, il n'y a pas que les adolescents qui ont un avis sur Shaina. Les parents, et particulièrement ceux à la morale prétendument respectable, l'alimentent également. Dans ce quartier, la population est très majoritairement musulmane. L'islam n'a pas le monopole de la misogynie. Mais sur le plateau Rouet, les conditions sont réunies pour faire peser sur les femmes le poids de vieilles morales religieuses, dévastatrices, imbéciles et inhumaines. Le quartier est fermé. Chaque tour est un village horizontal. Chaque dalle a un lieu où on se connaît, où on s'épie, où on se juge. La cité est un espace de rumeurs et de persiflages. Et la morale veut qu'une jeune fille correcte n'ait pas de rapport sexuel avant le mariage, qu'elle n'exprime pas de désir, qu'elle ne montre pas de coquetterie. La sexualité proscrite, tabou, pour les filles bien sûr. Et s'il arrive malheur à une femme qui n'aurait pas respecté ses conventions, eh bien, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Retour au commissariat. Ton ami dit qu'il te traitait comme une chienne, mais que tu étais comme hypnotisée par lui, dit la policière à Shaina. Oui, répond-elle. Je ne sais pas pourquoi, je l'aimais bien. Puis elle lui raconte l'agression dont elle était victime. La policière note après coup, en majuscule dans son compte rendu, « Disons qu'au cours de l'audition, Shaina ne manifeste aucune émotion particulière. » La fonctionnaire ne comprend pas que l'apparente absence d'émotion est un effet de la sidération de cette jeune fille de 13 ans qui vient de subir un viol collectif. Mais tout de même, après visionnage des vidéos des agresseurs, l'ancien petit ami de Shaina est mis en garde à vue, puis en examen avec ses deux complices pour viol aggravé, enregistrement d'images à caractère pornographique et violence. Dans la cité, les proches des prévenus s'en prennent à Shaina, cette taicheuse qui fait des problèmes, comme ils disent. Ce à quoi sa famille, son grand frère notamment, répond. Au début, elle était suivie par un psychologue. Après, nous, de notre côté, nous, on est une famille assez tranquille qui vit dans une zone pavillonnaire. On se renfermait sur nous, pareil pour Shaina. On était heureux à trois, elle se préoccupait pas de ce qui pouvait se dire dehors. Et nous, en tant que grand frère, en tant que parent, on a essayé de faire en sorte qu'elle revit une vie normale. On l'a ramenée en vacances, et on a fait des sorties, voilà, plein de choses comme ça, qui a fait qu'elle est redevenue la fille qu'elle était. On l'a changé d'établissement aussi, ce qui est important. Mais les tentatives de Shaina d'oublier ses malheurs se heurtent aux invectives, aux insultes, aux moqueries des gens, des jeunes comme des parents. Et comble de malheur, elle croit son agresseur dans le bus. Il est en liberté. Et lui envoie des messages. Un jour, dit-il, je vais te tuer. Ce jour aurait pu être le 1er mai 2019. Shaina est maintenant troisième. Ce jour-là, avec une amie, elle révise le brevet. La faim se faisant sentir, les deux adolescentes décident de sortir pour chercher à manger. Et sur leur chemin, elles croisent l'agresseur de Shaina. Il est sur son vélo et il lui jette « Sale pute, je vais te briser, t'es morte !» Il revient quelques minutes plus tard avec d'autres jeunes. Et là, ils sont une dizaine. Certains sont cagoulés et se jettent sur elle. Shaina s'évanouit sous les coups et reprend conscience à l'hôpital. Son visage est tuméfié. L'un des agresseurs lui a donné un coup de pied dans la tête. Nous sommes 2 ans après le viol. Les tortionnaires se vengent de Shaina, elle qui avait osé porter plainte et qui leur avait fait honte. Mais pourquoi cet individu qui a violé Shaina 2 ans plus tôt est-il en liberté? Son frère se pose toujours la question. Alors son agresseur a été libre en attente d'un potentiel jugement. En 2019, il y a eu l'agression. On a pensé que ça aurait pu accélérer les choses. Malgré ça, non, il n'y a pas eu de jugement. Il y a eu le meurtre de Shaina. Et aujourd'hui, c'est maintenant que ça va être jugé. Pourquoi ça a pris autant de temps? Encore une fois, Shaina, victime, soigne ses blessures et tente de se reconstruire. Le drame, c'est qu'elle trouve du réconfort dans les bras d'un nouveau garçon, un jeune de terminale, qui n'est pas mieux intentionné que le dernier. D'après les déclarations de ce jeune homme à la police, après la mort de Shaina, la raison par laquelle il s'est approché d'elle est cette réputation de fille facile à avoir. Et comme il veut connaître sa première relation sexuelle, et que la rumeur prétend qu'avec Shaina, c'est simple, pourquoi gêner? C'est vrai que je me suis servi d'elle, dit-il aux enquêteurs. Je savais dans quel but je lui parlais. Shaina tombe sous le charme de ce nouveau prétendant et couche avec lui une première fois. Elle semble même amoureuse. Alors, elle veut le voir. Lui est mal à l'aise. Il a honte. Et il a peur. Ouais. Honte devant ses copains de sortir avec la pestiférée du quartier. Peur que sa mère musulmane apprenne cette relation et devine leur relation sexuelle hors mariage. Alors, c'est en cachette qu'il donne rendez-vous à Shaina et qu'il a des rapports sexuels avec elle dans un endroit sinistre, un cabanon en tôle rouillée au fond d'un petit jardin désaffecté. Circonstance aggravante, à cause du tabou jeté sur la sexualité de ce jeune homme, il ne se protège même pas pendant les rapports. Alors évidemment, Shaina poursuit sa descente aux enfers et tombe enceinte, elle a 15 ans. La pharmacienne du quartier se souvient de cette jeune fille venue acheter un deuxième test de grossesse après que le premier s'est révélé positif. C'était le mercredi 23 octobre 2019, deux jours avant sa mort. Et Shaina lui avait dit « Je vais avoir de gros ennuis. » Son frère raconte la suite. Bah après, tout est allé très vite. Quand Shaina a appris qu'elle était enceinte, vraisemblablement, elle a voulu annoncer à l'agresseur. Et c'est ensuite que la mort de Shaina est intervenue. Ce que l'on sait, c'est que Shaina a prévenu son petit ami qu'elle était enceinte de lui et qu'ils ont échangé de très nombreux SMS dans l'après-midi du 25 octobre 2019. D'après la déposition du jeune homme, Shaina parlait de garder l'enfant. L'historique internet de son petit ami indique même qu'après ces échanges, il a regardé une émission sur les parents adolescents entre deux vidéos porno. Ce que l'on sait également, c'est que Shaina est partie de chez elle vers 21h ce vendredi 25 octobre et qu'on l'a retrouvée poignardée et brûlée. Au moment où nous parlons, le meurtre de Shaina n'a pas encore été jugé. Le magistrat instructeur a clos l'enquête et après l'appel demandé par les avocats du petit ami de Shaina, le renvoi en cour d'assises a été repoussé. Mais le jeune homme devrait finir par comparaître parce que plusieurs témoignages l'accablent, dont celui de l'un de ses amis qui, trois jours après le meurtre, s'est rendu au commissariat de Creil et a fait la déposition suivante. Il m'a dit qu'il était parti voir Shaina au squat des jardins avec un couteau, une paire de gants et une bouteille d'essence. Puis il m'a dit « j'y allais pour la tuer, parce qu'elle était enceinte de moi ». Il m'a dit également qu'il ne pouvait pas garder le bébé, sa mère, tout ça. Arrivé au squat, il lui a demandé de se déshabiller comme d'habitude. Une fois toute nue, il lui a mis plusieurs coups de couteau. Les autres de la cité Larraille. Il avait mis, je cite, une pute enceinte. Or, pour ce jeune homme, comme l'affirme l'un de ses co-détenus à qui il se serait confié, l'assassin présumé aurait dit « plutôt prendre 30 ans que d'être le père d'un fils de pute ». C'est que on a des principes dans cette engeance. Voilà plus de 2 ans que Shaina est morte. Le cabanon est toujours là, mais il sera bientôt détruit, comme le prévoit un nouveau plan d'urbanisme. La clinique désaffectée, elle, a été démolie après avoir été ravagée par un incendie. Les agresseurs de Shaina n'ont pas encore été jugés, mais ils le seront, oui. Mais qui jugera ceux qui, sur le plateau, ont harcelé Shaina et ont entretenu hypocritement l'idée qu'elle avait des vices, une vie trop libre et donc insidieusement qu'elle avait cherché ce qui lui était arrivé? On ne naît pas femme, disait une pancarte des manifestations du 23 novembre 2019. On ne naît pas femme, mais on en meurt. pas si j'étais homme. Leur voix me parlerait avec ce doux respect. Chaque jour de ma vie, la hauteur de leur ton ne s'envolerait guère. Et mes larmes chiffon ne couleraient que pour lui. La décence de ma paix m'offrirait des réveils plus tendres que mes nuits. Mes épaules assez larges offriraient mes oreilles quand ma bouche est muette. Apprendrai qui je suis. Ah, si j'étais un homme, j'userais de ma voix. Je voudrais qu'elle résonne. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat de la jeune Shaina Enzi, dont nous allons parler avec notre invité maître Négar Ehri, l'avocate de la famille de Shaina. Bonjour. Bonjour. J'imagine que cette affaire vous a marqué, vous marque encore. J'imagine qu'un avocat qui traite plusieurs affaires, toutes affaires ne génèrent pas les mêmes sentiments, les mêmes émotions, les mêmes réflexions. J'imagine là que celle-là, pour vous, elle a été importante et elle est encore importante. Cette affaire, elle est assez importante. Alors, moi, j'avais, avant cette affaire, l'occasion plus souvent de traiter des accusés et des prévenus, c'est-à-dire d'être du côté de la défense. Et là, j'étais du côté des parties civiles, de la famille, et je me suis rendu compte que quand vous êtes de ce côté-ci, il y a une espèce de chape de chagrin qui vous tombe dessus. Quand vous êtes du côté de la défense, vous nagez à contre-courant, donc vous êtes toujours en action, et ça vous préserve du chagrin, parce que vous êtes toujours obligé de vous battre. Là, c'est un combat différent, mais le rapport qu'on a, en l'occurrence aux parents de la victime, c'est des rapports assez forts. Quels sont ces rapports-là, des rapports de confiance, de confidence? C'est des rapports de confiance, des rapports de confidence, et puis l'empathie nécessaire. C'est-à-dire qu'on a une empathie pour la famille, on a une empathie pour la victime. Et dans cette affaire en particulier, moi j'ai été saisie pour la dernière affaire de ce triptyque infernal, c'est-à-dire les faits d'assassinat. Et à cette occasion-là, les parents m'ont confié les deux précédentes affaires, c'est-à-dire l'affaire de viol en réunion, puis l'affaire de violence en réunion. Et c'est terrible de traiter des deux premières affaires en sachant, en ayant en tête, ce qui se sera passé plus tard, c'est-à-dire l'assassinat. Eh oui, si on met ça en perspective, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que le récit a tenté de faire. Hein. On disait qu'elle était victime, pas seulement de celui qui l'a tué, mais victime d'un endroit, d'une société, des rapports sociaux très altéré sur ce plateau. Alors on n'est pas sociologue, on va pas entrer dans le détail de ce qui se passe sur ce plateau, à cet endroit, on l'a raconté dans le récit. Mais comment l'époque féministe que nous vivons, qui semble, alors quand même au fil des jours, malgré tout, même si c'est un combat de longue haleine, concerné par l'égalité hommes-femmes, par les féminicides, par le harcèlement sexuel, est-ce que ça a changé la façon dont la justice traite ces affaires? Autrement dit, la réponse judiciaire est-elle à la hauteur du débat public? Non, pas encore. La preuve, c'est justement cette affaire. C'est-à-dire qu'on est passé d'un fait divers à un fait de société. L'affaire d'assassinat, on aurait pu la limiter à un fait divers. Et je dois vous dire que quand je parle de fait divers pour une telle affaire, je suis assez embarrassée. Parce que c'est plus que divers. Parce que c'est terrible, de toute façon, c'est plus que divers, absolument. Oui. Et tant d'ailleurs que la société considérera un fait isolé comme un fait divers, on aura tendance probablement à accepter ce genre de situation. Donc c'est parce qu'on ne sait pas dans quelle case de l'information mettre ça. C'est absolument. Idiot. Donc il y a déjà un travail sémantique à faire. Le fait divers, c'est un fait, bon, pas un fait divers. Mais non, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est révélateur. C'est-à-dire que le jour où le seuil de tolérance de la société baissera, le jour où on n'acceptera plus les violences les plus minimes, c'est-à-dire les violences morales, celles qui entraînent ensuite les violences physiques ou les violences sexuelles, dans ce cas-là, à ce moment-là, on aura franchi un cap, et peut-être que le mot « fait divers » sera absolument mis de côté. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, au-delà de la sémantique, vous avez souvent le terme « fait divers », mais là, on dépasse le « fait divers », on est dans un fait de société. Pourquoi ? Parce que, précisément, il y a les deux affaires qui précèdent. C'est-à-dire que le calvaire de Shaina s'inscrit sur deux années, entre ses 13 et 15 ans, et effectivement, on peut s'interroger sur la raison pour laquelle tout ça s'est enchaîné. Et à cette occasion-là, effectivement, on doit s'interroger sur la responsabilité de nous uns, de nous autres, et de la justice. Et de la police. Vous mettez la police dans la justice, j'imagine. On va s'arrêter sur les trois points. Allons-y, le premier que vous avez développé. Quelle est la responsabilité, justement, de cette micro-société? Alors, c'est très compliqué. Le premier point, en réalité, je pense qu'il nous fait directement basculer sur la responsabilité de la police. Vous en avez parlé lors de votre présentation. C'est lorsque Shaina, lors de la première affaire, a le courage d'aller porter plainte et que dans l'une des auditions, dans l'un des PV d'audition, il est indiqué, il est remarqué en lettres majuscules l'inexpressivité de la petite Shaina. Alors rien que là-dessus, il faudrait en effet discuter. C'est assez intéressant, ça exprime à la fois l'ignorance de ceux qui reçoivent les plaintes. Et je pense que là-dessus, on a encore des progrès à faire, mais il me semble quand même que les progrès se font. C'est pour ça que je ne veux pas totalement discréditer le travail des enquêteurs et de la justice. Mmh. On est en train d'évoluer, simplement il y a des difficultés. Pourquoi une ignorance à ce moment-là, en 2017? Parce qu'effectivement, quand une jeune femme de 13 ans fait l'objet d'une agression sexuelle dans un contexte, dans une relation préétablie. On n'est pas dans le cas de figure d'une jeune femme qui rencontre un homme au mauvais endroit, au mauvais moment. Mmh. On est dans le cas d'une relation préétablie. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose, pour être arrivé jusqu'à l'agression sexuelle, ça suppose qu'il y ait eu au préalable déjà des violences morales. Bien sûr. Si bien que lorsque, à 13 ans, après avoir vécu les violences morales, et en l'occurrence il s'agissait de chantage sur Snapchat, avec des images diffusées, quand vous faites l'objet de violences morales, vous êtes déjà psychiquement tellement fatigué, tellement amoindri, qu'au moment d'aller porter plainte pour la violence sexuelle, vous n'avez plus la force de vous défendre. Vous n'en pouvez plus. Au-delà même du caractère de sidération que vous avez évoqué tout à l'heure, vous n'avez plus la possibilité de vous défendre correctement. Et là, je bascule vers la perception de celui qui reçoit l'enquête, la déposition de celle qui reçoit, en l'occurrence, l'audition, la policière. Mmh. C'est qu'en fait, elle considère que cette inexpressivité est synonyme d'un contenu inexact. C'est-à-dire que c'est non seulement le triomphe de l'ignorance, mais c'est aussi le triomphe de la forme sur le fond. C'est la suspicion de la fabulation? C'est la suspicion. Ça va jusque-là? C'est l'idée qu'une victime doit être idéale. C'est l'idée qu'une victime doit, puisqu'elle n'a rien à se reprocher, elle doit pouvoir faire état de ce qui lui est arrivé de manière franche, de manière exacte, non approximative et de manière absolument chagrinée. Et donc, tout à coup, tout ce qui diffère de cette espèce d'idéal de la victime est suspect et rend le contenu, le fond du discours disqualifiant. Ça veut dire qu'il faudrait que la société, alors je sais pas, je pense aux assistantes sociales ou psychologues, puissent accompagner ces plaignantes, qu'elles puissent les préparer, non pas se confronter à la police, bien que, Mais à l'audition avec la police, il y a aussi un phénomène de solitude, de manque de soutien. Je ne sais pas s'il y a un manque de soutien, parce qu'il y a des associations qui se multiplient. Simplement, je pense qu'on part d'une. Enfin, la racine du mal, si vous voulez, c'est vraiment une ignorance de la mécanique de la violence. C'est-à-dire qu'on devrait, dès la cour de récré, lorsqu'un petit garçon, si ça arrive encore, parle mal à une petite fille, on devrait, dès cet instant-là, s'inquiéter de ce qui va se passer. Si vous voulez. Donc, ça veut dire les parents et l'école. Exactement, c'est les parents, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'éducation et de la culture. Alors, puisqu'on parle de culture, quelle place a la religion musulmane, non pas dans toutes les, encore une fois, vous n'êtes pas sociologue, mais dans cette histoire? Mais j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, et je pense qu'elle est, elle provoque inutilement une polémique, parce qu'en réalité, elle est réductrice. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, si vous voulez, le problème fondamental de cette histoire, c'est une forme de domination masculine. Un patriarcat. Et si vous voulez, vous avez un éventail extrêmement large. L'expression la plus ultime et la plus absolue de la domination masculine, c'est l'assassinat. Mais vous avez en réalité, si on va dans l'autre sens, vous avez l'expression la plus basse, l'expression seuil de cette domination masculine, c'est par exemple l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes. Donc en fait, vous avez à chaque fois pour fil rouge de ce large éventail, le fil rouge, c'est qu'on ne considère pas la femme comme l'égale de l'homme. Et à partir du moment, enfin tant qu'on continuera à considérer qu'une femme n'est pas un sujet mais un objet, on maintiendra les inégalités salariales, donc ça c'est le degré zéro de la domination masculine, et puis on continuera à commettre des violences sur les femmes parce que on considère que la liberté qu'elles souhaitent prendre nous offense. Alors il y a quand même, depuis quelques années, de vrais efforts. Alors, d'abord de la part de l'association Mobilisation Citoyenne, hein, tous les hashtags dont celui qu'on a cité tout à l'heure, les balances tampons, les MeToo et compagnie. Bon, ça fait avancer les choses. Est-ce que vous considérez que les pouvoirs publics vont à la même vitesse que ces volontés citoyennes, ou est-ce qu'il y a encore un décalage? Écoutez, j'en sais rien. C'est toujours très difficile de juger a posteriori, parce que on prend toujours les décisions sur le coup avec les moyens qu'on a, avec la perception des choses qu'on a. Là, c'est très facile de critiquer la justice, la policière, les uns et les autres. Ce que je remarque, si vous parlez des pouvoirs publics, vous me faites penser aux deux endroits dans lesquels ont eu lieu les crimes commis sur Shaina dans l'affaire 1, ouais, de ce triptyque, donc les faits de viol en réunion, l'ancienne clinique, dans une clinique désaffectée. Oui, c'est ça, désaffectée. Et la troisième affaire se commet dans un cabanon désaffecté. Alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Effectivement, quand dans une même ville on parle de clinique désaffectée et de cabanon désaffecté dans lesquels les jeunes vont squatter parce qu'ils n'ont pas d'autres lieux pour se recueillir, on peut en effet considérer que les pouvoirs publics capitulent. Il y a un vrai problème à laisser ce genre d'endroit. Enfin, l'urbanisme erratique aussi. Vous n'avez pas vu les photos. Moi, je les ai vues, les photos dans les différents dossiers. Enfin, c'est des endroits qui sont glauques, où ça doit sentir la pisse et la crasse pour être aussi vulgaire qu'est le paysage que je vous évoque. Donc ça c'est absolument effarant. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un point qui est très intéressant. C'est-à-dire que on a, dans le terme clinique désaffectée et dans le terme cabanon désaffecté, on a la polysémie du mot désaffection et désaffecté. C'est-à-dire que cette jeune fille, Shaina, elle se rend dans les deux cas, dans des endroits désaffectés. Et en fait, la désaffection, c'est aussi probablement la considération ou l'absence de considération qu'elle a pour elle-même. La polysémie du mot désaffecté, dans ce dossier-là, il est dramatiquement parlant. Quelle métaphore! On va se retrouver dans 3 minutes après Big Chief qui chante Certainty. Saying I owe you. Negar Hayeri, je rappelle que vous êtes l'avocate de la famille de Shaina Anzi, donc Shaina Anzi, la victime, 15 ans, assassinée. Et on a raconté effectivement que les problèmes avaient commencé bien avant. Et on se demande quels ont été les manquements de la justice pour en arriver là, parce qu'il y a quand même des alertes, sérieuses alertes. Encore une fois, c'est très compliqué de parler des manquements. Alors aujourd'hui, rétrospectivement, quand je relis les différents dossiers, je me rends compte qu'il y a des manquements qui ont eu lieu. Simplement, c'est-à-dire des décisions qui ont été prises et qui n'auraient pas dû être prises. Simplement, à l'époque des faits, avec les informations qu'on avait et les perceptions qu'on avait, peut-être qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et ce qui est très important, et ça j'y tiens beaucoup, même si je suis du côté des parties civiles aujourd'hui, et je le rappelle chaque fois que je suis amenée à traiter des parties civiles, on a un principe quand même qui est fondamental et qui est en réalité absolument magnifique, c'est le principe du libre arbitre. C'est-à-dire que notre système judiciaire repose sur l'idée qu'on a tellement foi dans l'homme et tellement foi dans l'idée qu'il va pouvoir, au dernier moment de lui-même, éviter de basculer, qu'on lui laisse la possibilité. Et donc, la conséquence de ce principe qui est d'une très grande noblesse, et encore une fois à laquelle je tiens, auquel je tiens énormément, c'est qu'il n'y a pas de risque zéro. On ne peut pas, dans notre société, avoir de risque zéro. Et donc, il y a un moment donné où, quelle que soit la justice, si vous avez en face de vous une personne qui est déterminée à commettre une infraction, vous ne pouvez pas, hélas, toujours l'en empêcher. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que c'est un discours qui peut passer, ça, auprès des familles? En plus, vous êtes l'avocate des familles. Vous leur avez parlé comme ça? Oui, je parle comme ça parce que moi, je veux pas... comment dire, je ne veux pas, je veux pas laisser de faux espoirs et je tiens quand même à certains principes qui doivent fédérer absolument toutes les parties. Oui. Donc on a, par le jeu judiciaire, on a des divergences partisanes, c'est-à-dire que je n'ai évidemment pas les mêmes intérêts que ceux de la défense, mais on est avocat, on tient à l'état de droit, et donc il y a, malgré nos divergences partisanes, des principes qui nous fédèrent. Ceux-ci en font partie et c'est très très important, je pense, que les familles des victimes le sachent pour qu'elles puissent elle-même recevoir la décision, quelle qu'elle soit. Alors, il existe évidemment un principe auquel vous êtes très attaché en France, dans cette démocratie, c'est la présomption d'innocence. Absolument. Hein. Donc on en est là aussi pour ce garçon-là. Où en est la procédure? Où va-t-elle? À quoi on peut s'attendre maintenant? Alors la présomption d'innocence, évidemment, elle s'applique à toutes les personnes qui sont impliquées dans ces trois dossiers, parce qu'aucun d'entre eux n'est pour le moment... définitif. Nous avons la première affaire donc de viol qui a été correctionnalisée, c'est-à-dire que initialement elle avait été ouverte pour des assises pour viol en réunion et finalement ça a été correctionnalisé et ça va être audiencé à la fin du mois 31 janvier 1er février prochain. Pardon, mais pourquoi ça passe en correctionnel et pas aux assises et les charges sont pas, qu'est-ce qui se passe, quel est le distinguo? Alors c'est très compliqué. Moi je peux pas vous répondre. C'est compliqué parce que ce n'est pas moi qui ai pris la décision. Je n'ai pas d'éléments matériels à vous proposer. Mon interprétation, c'est que peut-être effectivement que les déclarations de Shaina étaient trop approximatives pour qu'on puisse avec persistance vouloir aller devant les assises. Moi, il me semble, quand je lis le dossier, que la pénétration par le labello est admis. Donc, pour ma part, d'un point de vue technique, d'un point de vue matériel, d'un point de vue théorique, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un viol. Simplement, on peut tout à fait considérer qu'on ne va pas aux assises pour un labello qui a été pénétré vaginalement, et que par ailleurs, la victime étant aujourd'hui décédée, ça aurait risqué d'être un peu compliqué. À tenir. Donc il y a aussi parfois la raison qui fait qu'on correctionnalise une affaire criminelle, ce sont des raisons d'opportunité. Alors je vous avais coupé, on était dans la procédure. Donc la première affaire, elle est correctionnalisée, elle va devant le tribunal pour enfants à la fin du mois. La deuxième affaire est toujours en instruction, et effectivement c'est extrêmement long, je n'ai pas tout à fait d'explication là non plus à vous donner. Et la troisième affaire, donc les faits d'assassinat, une ordonnance de mise en accusation, c'est-à-dire de renvoi devant les assises, avait été rendue à la fin août, début septembre dernier par le juge d'instruction. Il y a eu appel, non seulement... Mais à part de qui? Alors, il y a eu appel de la défense sur le principe du renvoi aux assises, ce qui est logique et cohérent puisque la défense conteste les faits, et c'est son droit, il n'y a absolument pas de difficulté là-dessus. Et par ailleurs, au même moment, en même temps, la défense avait fait appel contre une décision du juge d'instruction qui avait refusé certains actes d'investigation que la défense lui avait demandé. Et donc, là-dessus, la chambre de l'instruction a ordonner un supplément d'information pour que certains actes, à la demande de la défense, soient réalisés. Et votre rôle, j'imagine, pas facile, c'est d'expliquer aux familles de victimes que vous défendez que le temps de la justice est un temps long. Et c'est difficile à faire admettre, ça. Hein, mais vous savez, quand on est sincère avec les clients, ils finissent par comprendre. D'accord. Il faut leur dire dès le départ ce qui est, les risques qui sont encourus et tout est ensuite facile à accepter. Bien, ce sont ces paroles sages qui feront office de mot de la fin que nous allons nous quitter. Je vous remercie infiniment d'être venu nous donner toutes les précisions nécessaires pour parler sereinement et avec distance, la distance nécessaire et l'émotion en même temps de cette affaire. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le meurtre de Chaïna, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.